Et maintenant, c'est la grande interview internationale de Alexandra Roger qui rencontre Suzanne Boulay pour une chronique qui s'appelle « Sympathie ». Et ce que je vais faire, comme elles vont être en mouvement pour discuter, je vais déconnecter le stream sur la station fixe de Radiozine pour pouvoir laisser la place au stream mobile. N'est-ce pas ? C'est bon, Antoine, tu veux dire adieu ? On se revoit après. Adieu, peut-être. Bon, j'ai effectué un très mauvais stage, mais je reviens peut-être demain en rattrapage. On passe d'une radio à l'autre. C'est ça la magie de Radiozine. On y va ? 4, 3, 2, 1, top. Alors, normalement, on a repris sur la petite radio qui se trimballe. Je ne sais pas si tu as besoin de checker un truc. C'est la grande chef, comme chaque fois. Boum boum. Ok. Donc je suis avec Suzanne. Bonjour Suzanne. Bonjour Alex. Donc là on est à la radio et oui. Oh. Et on va monter dans ta salle, la salle carrée. Ok. Hey à toutes. Donc ouais. Donc on va monter un grand escalier. On va dans une salle qui s'appelle le carré. Le carré, oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça, les carrés ? Eh bien, pas tout à fait. Ouais, sûr, oui, évidemment. Ça aurait été trop simple, trop bizarre. Et donc, comment s'appelle ta pièce ? Ma pièce, elle s'appelle « Vie mitoyenne ». Vie mitoyenne. Au pluriel. Ok. Si jamais. Très bien. Et je crois que c'est comme avec Benoît, il faut enlever ses chaussures. Ouais, alors il faut enlever ses chaussures et puis on peut lire un peu les indications. Il faut y aller, tu vois, il ne faut pas y aller à 15. Là, j'ai marqué une à deux personnes. En vrai, c'est un peu approximatif, tu vois. Si tout d'un coup, il y a trois personnes, c'est pas très grave. Mais c'est juste pour que les gens comprennent que c'est pas 150. Wow. Donc, on vient d'enlever nos chaussures. Il y a un peu de moquette. Et là, on arrive sur un grand cadre qui est posé au sol avec un tissu qui est tendu. C'est quoi comme tissu ? Ah, c'est du lycra. Okay. Enfin, du lycra rési. C'est un lycra qui est très très fin. Et donc, ce qui fait que le lycra est à quelques centimètres du sol. Et dessus, on voit plein de petits grelots qui sont un peu répandus en trois nuages. Mm-hmm. Tu veux qu'on marche dessus ou tu veux Ouais, ça peut être une bonne idée qu'on marche est-ce dessus. Est-ce que c'est toi qui te lance ? Est-ce que c'est moi ? Comme tu veux faire. Alors, quand on marche dessus, le lycra touche le sol. Et donc, je vais approcher la radio des grelots. C'est trop bien. Oh, il y a une petite boule. Donc, en fonction de là où on marche, ça fait plus ou moins résonner les grelots. Et je présume en plus que quand on est deux, ça fait qu'on peut créer une harmonie et puis des sons à des points opposés. Ouais, alors ça dépend. Quand on est deux, ça marche. Ouais. Après, peut-être si on est plein, au bout d'un moment, ça En vrai, je sais pas trop. Mais déjà, tout seul, tu peux faire pas mal de choses. Et donc, il y a en même temps des grelots très rapprochés. Ouais. Et d'autres plus écartés, et aussi des chemins vides. Ouais. Bah, ça, je vais essayer de créer un peu une circulation. Enfin, tu vois, que les gens ils puissent quand même se balader dans les grelots. Et puis, je savais pas trop... Du coup, j'ai fait un peu ces passages pour peut-être t'as pas forcément envie de marcher dans les grelots. Et après, effectivement, j'ai fait des endroits où c'est un peu plus dense et d'autres où c'est plus épars. Et où effectivement, tu peux peut-être marcher véritablement dans les grelots. Puis moi, j'aime pas forcément les choses qui sont hyper mathématiques. En termes de la répartition des grelots, tu vois, ça a été un peu tout un sujet. j'aime bien quand c'est on essaie de faire une régularité, mais finalement c'est une personne humaine qui l'a fait, et donc c'est forcément un peu irrégulier. Puis qui a un peu ce rapport-là entre les deux. Tu vois qu'il y a une sorte de logique dans la façon dont ça a été posé, mais en même temps, ça ne suit pas une règle mathématique. Est-ce qu'il y a des gens qui marchent sur les grelots ? Dessus ? Alors bah, peut-être, moi j'avais pas forcément beaucoup anticipé comment les gens ils allaient réagir par rapport à cet install. Et puis en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que personne ne l'appréhende vraiment pareil. Personne ne marche pareil ou ne va expérimenter les mêmes choses. Moi, quand je marche dans cet install, bah, je marche hyper doucement, forcément, hyper délicatement. Moi, le son qui m'intéresse, tu vois là, les grelots, en fait, ils sont posés d'une certaine manière. Ils sont posés un peu de trois quarts vers le sol. J'avais pas remarqué avant. Ils sont fixés de cette manière-là, parce qu'en fait, c'est que de cette manière-là qu'ils vont faire bah, le balancer de la bille dans le grelot. Et ça fait ce son-là. Oui, on entend vraiment la bille. Un peu se secouer dans le grelot, c'est ça ? Exactement, ouais, ça me fait penser à la même chose. Qui s'étend comme ça, hyper doucement. Et c'est ce son-là que je recherchais ou qui m'intéressait dans cet install. Après, là, c'est sûr que dans le contexte d'archipel, bah, y a des gens qui vont de plus ou moins délicatement. Mais pour moi, il n'y a pas forcément besoin de se... Tu vois, peut-être il y a besoin de se déplacer, de voir comment ça sonne différemment selon les endroits. Mais ça ne sert à rien, pour moi, tu vois, ça ne sert à rien d'essayer de les faire sonner comme des grelots classiques, parce que de toute façon, ils sont fixés de sorte que ça... résonne pas de cette manière-là. Enfin, ou c'est pas ça qu'il recherchait dans le son. Non, c'est hyper intéressant. Alors, je me rends plus compte. Parce qu'en fait, on peut se poser sur le côté, là, on est posé sur le rebord de fenêtre. En fait, on peut juste poser son pied sur le cadre, le faire bouger tout doucement. On dirait vraiment un bruit d'insecte. Et puis après, moi, ça dépend à quel point attentif. Puis là, archipel, parfois, il y a pas mal de questions de cohabitation des sons, donc on n'entend pas toujours hyper bien. Mais si on vient à un moment donné qui est très calme, moi, parfois, quand je marche même au milieu, bah, j'entends un tout petit peu, tu vois, déjà même quand je suis assez loin, les débuts de bourdonnement, tu vois. Je fais un tout petit peu... Donc voilà, ça pourrait dire qu'on peut faire des sons plus ou moins forts avec cet install, mais moi, le son qui me plaît, c'est pas forcément celui qui est le plus bruyant. Oui, c'est celui qui est tout doux. Et tout à l'heure, je demandais s'il y avait des personnes qui marchaient sur les grelots, parce que j'ai l'impression que instinctivement, vu que c'est rond, ça fait peur de marcher dessus et de se faire mal. Il y a un truc aussi qui marche assez bien le fait de les éviter. Bah après, tout le sujet de l'install, c'est voir comment tes actions... Tu vois, avec le fait que dès que tu marches ou que tu te déplaces dans cet install, ça a une conséquence, ça crée quelque chose. Et qu'il y a un côté comme ça sur la fragilité. Beaucoup autour, dans cette installation, en fait, si tu marches trop près ou quoi, bah, qu'est-ce que ça va créer ou quelles conséquences ça va avoir. Et c'est un peu ça, c'est pour ça que ça s'appelle vie mitoyenne, c'est comment ça cohabite ensemble ou comment ça peut être aussi détruit par les gens, tu vois, ou pas, ça dépend. Enfin, comment tu fais pour marcher en faisant attention en fait. Oui. Et donc, comme tu dis, de ne pas marcher sur, de marcher autour. On peut peut-être proposer à quelqu'un qui regarde la pièce à travers la vitre pour lui dire de rentrer. Alors non, on ne peut pas parce que la porte elle s'ouvre que depuis vers là. C'est par là. Tu vois, elle s'ouvre vers l'intérieur. Donc du coup, vu qu'il y a le cadre, malheureusement, on ne peut pas rentrer par là. On peut rentrer que par là. Ouais. Très bien. Et c'est aussi pour ça que là, il y a les indications. Puis là, on peut poser des choses, je comprends mieux. Et donc, vie mitoyenne. Est-ce que c'est entre les grelots et les personnes qui interagissent, entre les personnes elles-mêmes? Non, je pense que c'est tous les différents acteurs. On peut se dire que c'est le visiteur et les grelots, mais c'est finalement aussi, tu vois, comment ils vont chacun un peu... Enfin, que le son, il est aussi créé par la quantité. Là, il y a 500 grelots. Pas forcément, mais il y en a 500, C'est, on dirait qu'on a moins. Du coup, un son, juste un grelot tout seul, bah, c'est vraiment un peu infime comme son, tu vois, surtout si c'est juste le petit basculement de la bille. Mais c'est un peu quand ils sont pleins que ça commence à créer quelque chose d'intéressant. Trop bien. Et tout à l'heure, tu m'as dit que tu venais un peu en avance pour retendre le tissu. Ouais. C'est quelque chose que tu as besoin de faire régulièrement après les passages mm-hmm. des gens. Bah ça, c'était assez dur à anticiper, tu vois, à quelle fréquence il faudrait leur tendre et tout. Et en fait, ça dépend. Bah, surtout là, je l'ai fait parce que c'est le week-end et que le week-end, il y a plus de passages. Et du coup, bah, peut-être, tu vois, tous les 2-3 jours. Après, dans la semaine, parfois, je suis passée puis, où je pensais le faire, puis il n'y avait pas forcément besoin. Mais non, quand même, ouais. Et puis au bout d'un moment, je me dis, je ne vais pas pouvoir le tendre à l'infini, tu vois. Peut-être qu'on arrivera à la fin de l'extensibilité du tissu. Mais c'est sûr que plus c'est tendu, mieux ça marche. Et tu as fait des enregistrements ? Ouais, alors au tout début, avant que ça commence, j'ai fait des enregistrements un peu, quand c'était tout calme. Et, C'est trop bien, je vais rapprocher le micro. Compte forcément comme ça, mais c'est assez technique en fait cet install. Enfin, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'éléments, il y a un tissu, des grelots, un cadre, etc. Mais chaque élément, en fait, ça, c'était un peu un vrai, un petit défi de voir comment on fait pour que ça fonctionne. Parce que tu vois, c'est une install bah, qui doit forcément être très légère, le tissu il est très léger, parce que dès qu'il est, s'il est lourd, bah, pour le tendre, c'est beaucoup plus compliqué. Les grelots, il faut qu'ils sonnent d'une certaine manière, etc. Enfin, tu vois, il y a peut-être un cadre, le tissu, il est tenu par des aimants tout autour. Et puis, il ne fallait pas qu'il se déchire non plus. Il fallait un tissu qui soit très fin, un peu, quelque part, qui ait l'air fragile, mais qu'il ne le soit pas. Et ça, c'est un peu la magie de ce tissu-là. Et donc aussi, il est transparent, ce tissu. Ouais. Ce qui fait que ça crée une sorte de vapeur un peu en suspension et on voit... cette mosaïque de cette salle carrée qui est très belle, et donc le carré en plus en métal où est accroché le tissu reprend cette forme. Donc ouais, en plus que ce tissu soit un peu beige, un peu et transparent, ça crée aussi quelque chose. En fait, quand on regarde de près, on voit en transparence, et quand on regarde à l'opposé, on voit plus que les grelots. Ouais, alors moi j'aime bien aussi, effectivement, tu vois, je trouve que ça donne l'impression que les grelots ils sont un peu en lévitation comme ça. Ça, je trouve assez chouette. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai choisi cette salle. En fait, j'avais déjà repéré cette salle avant de proposer l'installation. Et je voulais faire par rapport aux spécificités de cette salle, qui est quand même hyper particulière, tu vois, qui a une ambiance qui résonne beaucoup de piscine. Et, et donc, je voulais jouer avec cette mosaïque qu'il y a au sol et du coup, proposer quelque chose où on puisse encore voir cette mosaïque, tu vois. Trop bien. Je pense qu'on va redescendre. Ouais. Et j'avais une dernière question qui était, si tu devais changer quelque chose sur cette pièce, tu changerais quelque chose ? Ça, je ne sais pas si je changerais quelque chose sur cette installation-là, mais par contre, je pense que je sais que ça me donne un peu envie de... Ça me donne des idées d'une autre installation, qui serait peut-être quand même un peu une continuité de cette idée-là, mais qui serait quand même assez différente dans l'aspect. Donc oui, je pense qu'il y a forcément des choses que tu as envie de faire différemment une fois que c'est fait, mais après c'est une étape, tu vois, par... Oui. Mais ouais, en tout cas, je trouve que le son est très inattendu. Surtout quand on voit les grelots, on ne s'attend pas à ce que ça fasse. Ouais. Ce son très végétal au final. Bah, peut-être une question que je me suis pas mal posée, c'était au départ, l'idée elle m'est venue avec des grelots. Hein. Enfin, tu vois, j'ai eu une petite expérience où j'ai fait tomber un grelot dans un sac de grelots et puis c'est là que j'ai découvert ce son et je me suis dit qu'on va faire quelque chose. Mais après, à un moment donné, je voulais pas forcément garder l'objet grelot. Enfin, ça, j'ai eu un peu tout un débat de. Je me disais, est-ce que c'est un objet qui est déjà. On a déjà des imaginaires par rapport au grelot. Ouais. Et on s'attend à un son particulier, etc. Et donc, je ne savais pas si c'était mieux, tu vois, d'en refabriquer, qui soit plus un peu neutre et qui a peut-être moins de présupposés dessus, ou si on garde l'objet grelot justement pour le détourner. Ça, c'est une question que j'ai et que peut-être, tu vois, sur une prochaine install, j'aimerais bien voir si j'en fabrique moi-même, qu'est-ce que ça fait, comment ça se passe, etc. Parce que là, j'avais déjà essayé un peu de faire, mais c'est très technique, mine de rien, de fabriquer un grelot, le type de métal, la taille de la vie, tout ça. Trop bien. Je sais pas si je suis dans les temps ou pas dans les temps, parce que j'ai pas regardé à quelle heure je suis partie. Est-ce que tu veux que je te transmette la petite radio pour faire la programmation ? Mais avec un grand plaisir. Est-ce que je prends ton téléphone avec bien sûr. Internet. Internet qui est toujours notre meilleur allié. Tiens, tu me veux le mettre dans l'autre poche de mes fesses. Ça a été, cette interview ? Merci, Suzanne. Je me réjouis d'écouter, du coup. Tout bien. À bientôt. À bientôt. Et à toutes pour manger. J'ai un bon pour toi. À tout.